Dare to Care Records célèbre cette année ses 10 ans. On vous présente une tournée toute spéciale où on a jumelé un nombre incroyable de groupes de l'étiquette pour une série de concerts partout au Québec. Quand booking et créatif riment ensemble. We Are Wolf, Bernard Adamus, Tricot Machine et Jimmy Hunt, le 5 mai prochain au Nord-Ouest Café à Trois-Rivières. Suivez-nous sur Twitter et Facebook pour avoir les scoops avant tout le monde et surtout, n'oublie pas que Dare to Care t'aime. Et ce, depuis 10 ans. Billets disponibles sur daretocarerecords.com et au Nord-Ouest Café.